Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Tanguay nous fait découvrir un autre excellent band indie. On parle justice juridique et judiciaire avec Michel Aubrun. Et David Ferron sera avec nous pour mettre la langue dans ton oreille. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi, oui, 16 octobre 2012. Oui, lui, c'est Mathieu Plante. Pas sûr. Toi, c'est mardi, pas mercredi. MR et MER, hein, sur l'ordinateur, avec les yeux tout fissés de même. T'es où, François? Je le trouve pas. Il va falloir qu'on fasse des détours partout pour se trouver. Dorénavant, on ne pourra plus sauter dans les bras en arrivant. Non. C'est fini, cette période-là. Ouais. Il y a des clôtures partout et on doit se faufiler à travers le labyrinthe de l'UQTR. Exactement, c'est la construction du nouveau pavillon ici à l'UQTR. D'ailleurs, je pense que, j'ose espérer du moins, Jasmine Raymond-Derinville va nous en parler plus en détail demain. Faudrait bien, oui. Tout à fait. Dans sa chronique de l'AGE UQTR, on était présents à la conférence de presse, toi et moi, hier, pour l'annonce du nouveau pavillon dédié à la vie étudiante, qui est, dans le fond, l'extension du pavillon Néré-Beauchemin, dans lequel nous nous situons en ce moment même. Exactement. Là où les gens peuvent retrouver la chasse-galerie, les gardiens de sécurité, la chapelle, la galerie d'art R3, c'est fou, zone campus et l'AGE UQTR. Tout à fait. Je pense que oui. Donc, si vous voulez toujours venir nous voir ici dans le pavillon, il faut passer par la chasse-galerie. C'est la seule et unique porte du pavillon qui est toujours accessible. Exactement. Et ça rouvre vers les 7 heures. Environ vers les 7 heures. Et si vous avez des cours dans votre pavillon, vous allez sûrement passer près de la chasse-galerie et dorénavant. Donc, peut-être pourrez-vous passer, vous chercher un petit amuse-bouche. Amuse-bouche. Tu dis ça comme ça. Ouais, je dis ça. Comme ouais. Une pâtisserie, une viennoiserie, un petit caprice de la vie, là. Hein? Et puis, un petit caprice de la vie. Un petit caprice de la vie, t'aimes pas ça? Oh ouais, c'est bien. Ouais? Oh ouais, ça sonne bien. Pas pire. Donc voilà pour ça, on en parlera comme on disait demain. Par contre, aujourd'hui à l'émission, on a trois merveilleux chroniqueurs. On va débuter ça à 7h30 avec Maxime Tanguay qui va nous faire découvrir un autre band indie là, dans sa chronique. C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune. Indie. Ensuite, à 8h, qu'est-ce qu'on a? On va recevoir Michel Aubrun qui va nous parler en fait de tout ce qui est juridique, judiciaire, justice. J'en veux plus. J'en veux plus, j'aime ça. C'est un peu peut-être tiré par les cheveux, mais. De jambon? Le jambon, non. Parce que, non, des fois, les gens parlent de la police en les traitant de... C'est pas ça qu'on veut dire, mais ce sera un autre mot qui commence par J. T'sais. Non, et de toute façon, je pense que, écoute, si on va dans ce sens-là, il y en a qui n'aident pas leur cause avec, évidemment, le matricule 728, qui est rendu très, très populaire ces temps-ci. Il y a eu des remixes de ça, toi, c'est... Ouais, je les ai pas entendus, par exemple. Attends un peu, il y a le Husky, je crois, qui a fait un remix de ça. Sérieux? Ouais, il faudrait l'écouter. On a ça? Faire jouer ça? Je peux très bien trouver ça, moi, je pense. Ouais, peut-être qu'on est mieux de garder ça pour avec Michel. Bonne idée. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'as de l'initiative marketing. Et oui, je l'ai trouvé, donc on pourra la faire. Yeah! Merveilleux. Génial. On aime ça. Ensuite, à 8h30, David Ferron, un gars un petit peu moins menaçant que le matricule 728. Un petit peu. Mais il me fait autant rire, mais d'un autre sens. Oh, exact. Parce qu'il est drôle. 728 m'a pas fait rire. Non, hein? M'a plus fait pleurer, je pense. Mais des fois, sur la stupidité humaine, on peut... Hallucinant. C'est pas des rires haha, c'est des rires comme... Hey, Colin, hein? Des rires de malaise. Donc, ce sera à 8h30. Aucun rapport avec tout ça. On va parler du Congo avec David. Ouais, génial. Le héros de Congo Bongo. Non, ça, c'était la chanson thème de Donkey Kong Country à Télétoon en 2001. Le héros, le Congo Bongo. Oh. Ouais. Donc, on va aller en musique. On va entendre nos amis d'Atomic Baobab et la pièce Le Viewmaster sur le palmarès anglophone. Oui, anglophone. La voici à l'instant. Sur C'est fou! Bonne émission! Congo Bongo! Yeah. We'll be right back. mettre l'argent dans ton make-up. T'en mets du temps, mais t'es pas plus hot. T'es plus quelqu'un, t'es rendu quelque chose. Tu te regardes avec les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie plastique. Marie plastique. Drop ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Ouais, t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie plastique. Marie plastique. Sans ton ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie plastique. Je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie plastique. Enlève sans don, ça te voit bien les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air? Marie plastique. Il fait l'unanimité en studio entre François et moi. On se hoche la tête. Hein. C'est Marie Plastique de Tremblay. Et c'est bon. C'est très bon. Oui. Maintenant, François, tu sais ce qui est bon dans la vie? Je m'en doute. Ouais. Je m'en doute. Mettons, si t'avais à deviner. Du chocolat chaud? Oui, entre autres. Écoute, on n'a pas fini si je pars comme ça. Tu pourrais dire apprendre des choses. Apprendre des choses de Mathieu Plante. Voici, c'est un fait. Apprendre les choses de Mathieu Plante, là. Apprendre les choses de Mathieu Plante, ça a l'air bizarre. Ça fait crosser. Non, non. Donc, aujourd'hui, on parle de jeux vidéo dans le blog C'est un fait, François. OK. On commence avec les 100 000 premières copies de Tiger Woods 99 PGA Tour Golf. Okay. OK. C'est un jeu de golf de ouais. Tiger Woods. Là. Ou Xbox? Je sais pas, c'était sur quoi? C'est l'histoire de Dispo. Ben, je pense que c'est sur PlayStation. Plusieurs consoles. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Tu sais, Tiger Woods, c'est rarement une exclusivité à une certaine console. Donc, il y avait une vidéo cachée auquel on ne pouvait pas accéder à l'intérieur du jeu. Mais j'imagine qu'il fallait avoir des codes triches pour le débloquer. Mais c'est le pilote de South Park, Jesus vs. Santa. Oh ouais? Ouais, quand même pas pire. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y a une vidéo YouTube qui vous montre de quoi ça avait l'air à l'intérieur du jeu. Le Hidden South Park Pilot Easter Egg. Donc, il fallait vraiment le débarrer avec une façon... je pense que c'est à travers le CD-ROM de Tiger Woods sur PC qu'il fallait le faire, si je comprends bien. Eh bien... Ensuite, le mini-boss dans Super Metroid, un mini-boss qui s'appelle Crocomire, est référencé dans le jeu Castlevania Army of Dissonance pour le Game Boy Advance. On dit que cette référence-là, dans le fond, rend hommage à Super Metroid parce que les créateurs de la franchise Castlevania ont beaucoup été influencés par Super Metroid. Crocomire est aussi référencé dans l'arrière-plan du jeu Donkey Kong Country Returns. C'est une espèce de grosse une espèce de dinosaure, si on veut. Ben, en fait, ça ressemble pas mal à des autres dinosaures. Je m'avancerai en disant Crocomire, c'est un crocodile. OK. Mais il ressemble à un dinosaure. Et bref, on voit son image en arrière-plan, très, très, très flou et très sombre à l'arrière-plan de Castlevania Harmony of Dissonance et Donkey Kong Country Returns. Ensuite, Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, entre autres, c'est lui qui a créé Wario aussi, et tous les autres personnages là-dedans. Donc, il voulait que Mario ait un compagnon dinosaure depuis le jeu Super Mario Bros., donc le premier Mario Bros. Mais à l'époque, c'était pas possible à cause des limites de la NES. Il voulait implanter Yoshi ensuite dans Super Mario Bros. 3, mais encore une fois, il a pas pu. Et il a créé, dans le fond, deux genre de power-ups, tu sais, comme le champignon, mais c'est d'autres choses comme ça. Des power-ups, des pouvoirs, si on veut. Pour remplacer Yoshi. Donc, il a créé la queue de raton laveur et l'habit de grenouille de Mario pour compenser pour le fait qu'il ne pouvait pas créer Yoshi et avoir donc deux personnages qui s'imbriquent l'un dans l'autre. On sait ce que Yoshi fait, c'est que tu t'assois dessus. Ouais, ouais, exact. Donc, on spécule d'ailleurs que c'est l'amour des chevaux qu'a Shigeru Miyamoto qui a influencé la création de Yoshi plus tard, aussitôt que ça a été possible. Il fallait voir un dessin dès le départ donc de Shigeru Miyamoto qui avait dessiné un genre de dinosaure pour accompagner Mario à ses tout débuts. OK. Ensuite, parlons un petit peu de Nintendo GameCube. Si tu est-ce que j'ai le son? J'aimerais beaucoup mieux vous faire jouer le son. Je vais passer au prochain pendant que je le charge. Allons-y avec Super Monkey Ball 2. Il y a un tableau qui s'appelle Bumpy. C'est le Beginner's Bumpy. C'est le Beginner Stage 3 qui contient de petites bosses à travers le tableau. C'est comme un genre de grand terrain avec des petites bosses. Et si on regarde d'en haut, les bosses sont du braille. Et ça lit. On peut lire. Bonjour, ici Jamad. Oui, c'est de l'alphabet braille. Je vous respecte. Mais c'est quand même le fun. Il a écrit ça en braille. C'est une bonne idée. Jamad est un surnom pour Junichi Yamada, qui est le Stage Director, Stage Design Director. Donc, celui qui crée le look des tableaux. J'aime vraiment ça, celle-là. Je trouve ça cool, du braille. Et en fait, les créateurs ont le droit à une certaine liberté, j'imagine. Surtout si personne s'en rend compte. Ouais, parce que souvent, si tu mets des bosses sur un tableau, personne va voir que c'est du braille. Puis tu le sors, quoi, 2 ans plus tard Exactement. Sur Internet. C'est une très bonne idée. J'aime bien ça. Ensuite, on parle de golf maintenant. Tous les tableaux de golf dans le jeu Wii Sports, tu connais Wii Sports, ça venait avec la console. Ouais, tout à fait. Ce sont tous des remakes des tableaux du jeu golf sur la NES. Un très, très, très vieux jeu de golf. Donc, les deux jeux ont été des titres de lancement pour chacune de leurs consoles respectives. Okay. Donc, dans le fond, Wii Sports, c'était gratuit. Mais non seulement, c'était pas un jeu très, très long et un jeu dont tu tannes très, très vite, je trouve. Mais en plus, c'était même pas des tableaux originaux. J'aurais pu se forcer à mettre des tableaux originaux, là. On s'entend là-dessus. Ouais. Mais bon, quand même. J'ai trouvé celui que je voulais vous faire entendre tantôt. Si tu accélères la musique du menu du GameCube, tu vas voir que c'est la même mélodie qu'un autre jeu vidéo. Donc, on va écouter pour commencer la musique d'ouverture du GameCube ici, juste là. Non, ça, c'est quand tu l'accélères, hein. C'est le fun. Attends, on va écouter l'original. Ça va commencer mieux. Ça, c'est quand tu ouvres le GameCube. Pourtant, non. Je sais pas, j'en ai jamais eu. Est-ce qu'ils l'ont ralenti? Non, c'est bon. OK, c'est le thème du menu. Je m'excuse, c'est le thème du menu. Donc, quand on ouvre la console, c'est un petit bruit rapide. Okay. Donc, ça, c'est le bruit du menu. Et si on l'accélère, ça donne ce qu'on entendait tantôt. OK. C'est pas le fun. C'est pas très, très le fun comme son. Et dans le fond, la musique du GameCube, du menu du GameCube, si on l'accélère 25 fois, ici, c'est 400%. Et ensuite, encore une fois par 400%, ça donne... Et c'est un remix de ça, qui est dans le fond la musique du menu de la Nintendo Famicom. C'est donc la version japonaise de la console Nintendo, la NES originale. C'est la version japonaise de ça. Donc, le Famicom Disk System, si on accélère la musique du GameCube, dans le fond, la musique du GameCube, c'est la musique de la Famicom décélérée. OK. On se comprend-tu? On se comprend. On se comprend, mais les deux sont la même musique, c'est ce que ça veut dire. Okay. On se cassera pas la tête plus que ça. Ensuite, dans Zelda, Miyamoto, on se rappelle Shigeru Miyamoto, le créateur de Zelda, il avait planifié que le jeu A Link to the Past, Zelda A Link to the Past, allait avoir un système où on pouvait changer entre 3 personnages et utiliser leurs habiletés individuelles. Les personnages auraient été un mélange entre un elfe et un fighter, un magic user et une fille. Donc, c'était supposé être un système où tu échanges entre les personnages, ce qui est finalement pas le cas. Pas le cas, non. T'as juste Link dans le jeu. Bon. Dans le numéro 260 de Nintendo Power, Yuji Naka, je sais pas exactement c'est qui, mais ici on dit juste son nom, a révélé que le concept d'origine de Sonic the Hedgehog, ça c'est le hérisson bleu de Sega. Sonic, hein? Sonic, exactement. Donc, on dit que attends un peu, je me suis perdu dans mon texte. Le gameplay de Sonic the Hedgehog venait du tableau 1-1 de Super Mario Brothers, OK? Et il disait que ce qu'il voulait créer, c'était comme le tableau de Mario Bros. 1, donc tu sais que tu sais où sont les choses, OK? Mais que tu allais le répéter encore et encore et le plus rapidement possible. Dans le fond, c'était ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un genre de Mario, mais beaucoup plus rapide. Plus rapide. Pour les gens qui sont capables de processer ça dans leur cerveau, ce qui est difficilement mon cas, là, je te dirais que quand je joue à Sonic, ça me fait virer fou un petit peu. C'est trop rapide pour moi. J'aime mieux explorer que courir dans le vide. Mais tu vois plus rien. Non. À un moment donné, tu vois plus rien, tu pognes des scènes, tu comprends plus. Moi aussi, j'ai jamais vraiment accroché, mais ça a été quand même populaire. Oui, ben oui, c'est la mascotte de Sega, c'est pas pour rien. Mais c'est ce qui a inspiré le concept de Sonic et non, c'est juste pas pour moi. Peut-être que si je jouais maintenant, c'est peut-être que j'étais trop jeune pour comprendre la vitesse du jeu. Mais non, moi, je vais lentement à mon propre rythme et j'explore les places pour trouver des bonus, des trucs comme ça. C'est pas foncer dans le tas. C'est quoi, est-ce qu'ils font encore des jeux vidéo? Oui, c'est ça, mais ils font seulement des jeux pour d'autres consoles. Ils ont plus de consoles eux-mêmes. Ils font encore des Sonic régulièrement. Et d'autres jeux avec Sonic pas mal tout le temps. Ensuite, Pokémon, à l'origine, s'appelait Capsule Monsters, mais ça a été renommé parce que les créateurs avaient de la difficulté à avoir la marque de commerce pour le jeu Capsule Monsters. Ça aurait été quoi? Capmon? J'imagine. Et ils ont essayé d'avoir la marque de commerce Capuman et ensuite Pocket Monsters. Capsule Monsters a été mis de côté pour que Game Freak, la compagnie, puisse développer le jeu Yoshi sur la NES. Là, c'était un genre de puzzle et sur le Game Boy aussi. Le succès de Yoshi les a aidés à acheter les ressources dont ils avaient besoin pour continuer à travailler sur Pokémon. Et dans le fond, ça pourrait être même la raison pour laquelle Pokémon existe aujourd'hui. C'est le fait qu'ils ont travaillé sur ces puzzles-là et ont gagné de l'expérience, j'imagine. Le nom Capsule Monsters est inspiré par les machines de Gashapon. Des machines japonaises. Et on dit que les Pokémarts étaient supposés pouvoir vendre ces capsules-là. Des Pokémarts, je sais pas si c'est des boutiques ou quoi. C'est ce qu'on voit dans le dessin sur assemblagerequis.com. Ensuite, est-ce qu'il y a... Je vais juste regarder si je les lis tous, ceux-là. Non, ça, c'est pas intéressant. Il y a une enquête policière qui a lieu en Espagne en ce moment qui s'appelle Opération Pokémon. Ça a pris son nom, évidemment, de la série Pokémon, mais aussi du nombre de politiciens. On dirait que c'est un nombre illimité de politiciens qui ont commis des fraudes. Donc, la police a sorti le slogan « Attrapez-les tous ». Tu sais, comme les Pokémon. Donc, il appelle ça l'opération Pokémon. C'est quand même pas bien. Ensuite, il nous en reste juste quelques-uns. On va terminer ça assez rapidement. Dans le jeu Ratchet & Clank sur la PS2, il y a une compétition de hoverboard qui est... Hoverboard, c'est quoi? Je pense que c'est comme une genre de truc qui flotte dans les airs, une genre de planche qui flotte puis tu glisses là-dessus. Okay. Donc, c'est animé ça, par une extraterrestre avec des courbes, elle est très très jolie, c'est une jolie jeune dame. Et si tu laisses tomber ton hoverboard et que tu passes ton temps à exécuter des genres de petites culbutes à la place, tu vas voir que pour chaque cascade que tu fais, c'est 5 gros 6. À la fille qui anime ce jeu-là de hoverboard. Donc vraiment, si tu le fais plusieurs fois, on voit la photo sur assemblagerequis.com. Elle a des seins gigantesques. Dans la version NES du jeu Punch-Out, Punch-Out avec Mike Tyson. Ouais. Ça a été populaire quand même. Oui, très, très, très populaire. Mais quand c'est ressorti, il n'y avait plus Mike Tyson dedans à un moment donné. Ah, je sais pas. Dr. Dream, quelque chose de genre. Ah. Non? T'as sûrement joué à celle avec Mike Tyson, toi? Ouais. Ouais, moi aussi. Mais j'en avais pas de NES, fait que tu sais, j'ai des amis où... T'avais aucune console de jeux vidéo quand t'étais jeune? Non, j'ai eu un Super Nintendo quand relativement tard. Après ça, un Nintendo 64 et puis après ça... Ça a arrêté, là. Ben, Xbox 360. T'es passé du côté de Microsoft. Oui, à ta vie adulte. Ouais, ma vie adulte avec mon argent comme un grain. Ah, t'es fort. Donc, dans le jeu sur NES, Punch-Out, le Russian Fighter, dans le fond, un combattant russe. Il s'appelait Soda Popinski dans le jeu sur la NES, mais à l'origine, il s'appelait Vodka Drunkensky. Ils ont changé son nom Vodka. Pour éviter Vodka. Il s'appelait Vodka Drunkensky. Drunk, ça veut dire sous. Alors que Soda Popinski, c'est plus soft un petit peu. Soft, comme dans soft drink, boisson gazeuse. Shigeru Miyamoto, encore une fois, créateur de Donkey Kong et Mario, a dit que... Il a fait bien des affaires, lui. C'est un peu comme les Beatles dans la chronique des éphémérides du rock de Simon Fitzbain. On dit tout le temps, il me semble que tu parles beaucoup des Beatles, mais c'est le groupe le plus documenté du monde. Ben moi, c'est Mario et Donkey Kong. Yamamoto, là. Miyamoto. Miyamoto. Exact. Donc, il a dit que le nom Donkey Kong vient, dans le fond, de lui-même, qui n'arrêtait pas de mélanger le mot donkey avec le mot ass. Dans le fond, ass, là, on sait que ça veut dire... derrière. Mais ça veut aussi dire un âne. Tu peux appeler un âne un ass, et c'est bien normal. Donc, il pensait que ça voulait dire stupide. Donc, il pensait que le public américain allait voir Donkey Kong, voulant que ça voulait dire juste un gorille stupide et gros. Puis Nintendo a ri quand il a suggéré le nom, mais à la fin, dans le fond, ils ont gardé le nom parce qu'ils trouvaient ça beau. Donkey Kong. Et ben. Good. Ouais. Est-ce qu'on en fait un petit dernier? On va parler d'un fait très grand public. Tu sais, dans une chronique jeux vidéo, des fois, ça accroche pas tout le monde, mais celui-là, peut-être qu'il va vous toucher. Plants vs. Zombies. Tu sais, tu connais le jeu sur iPhone, sur iPad, sur PC, Plants vs. Zombies. Mmh. T'as des zombies qui avancent pour manger tes plantes, puis il faut que tu tues ces zombies-là, quelque chose comme ça. Ah, oh, ouais. Oui. Donc, ça s'appelle Plantes contre Zombies en français. C'est pas pire, jeu, là. Oui, c'est le fun. Donc, à l'origine, c'était supposé s'appeler Lawn of the Dead. Tu sais, Lawn of the Dead en parodie de George A. Romero et son Dawn of the Dead. Lawn, ça veut dire la cour, tu sais, une cour du gazon. Donc, c'était supposé s'appeler comme ça Lawn of the Dead, mais le nom a été changé pour des raisons légales. C'est sûr que s'il avait appelé ça Lawn of the Dead, il se serait fait poursuivre. Quoiqu'il y a eu un film, une parodie de Dawn of the Dead qui s'appelait Shaun of the Dead. Tu sais, le prénom Shaun, donc ça, je sais pas. Ça a fonctionné, puis ils ont pas eu à changer de nom. Bref, voilà pour le bloc thématique jeux vidéo de C'est un fait. On va continuer en musique. Le temps d'attendre notre très bon ami Maxime Tanguay qui s'en vient. Incessamment. Il doit être sur le bord d'arriver. Il n'a pas mal long à faire. Là. On va l'entendre Fanny Bloom avec son nouvel extrait du palmarès francophone. Voici 1000 pertuis. Ah, c'est fou. 89 FM. Va faire une petite partie de plantes contre zombies. Je l'ai pas sur mon téléphone. Moi, je pourrais les poursuivre. Ben, je m'appelle Plante. Ben, c'est Mathieu Plante. Ouais. C'est toi. Combien je ferais, tu penses? Coupe de 100 000. Ou je me ferais trancher la tête comme un zombie. Assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Modest Mouse, c'était la pièce Float On. Mm-hmm. Modest Mouse qui, d'ailleurs, je pense qu'il a fait l'unanimité ici. Ah oui, hein, moi, ça m'a allumé. Là. Je suis content. C'est super bon. Oui, c'est bon. Oui, t'as l'air content, d'ailleurs. Oui, je suis content. On est content, nous, voir content. Ah, oh, mais moi aussi, je suis content de voir content, de me voir content. Wow. Mais c'est, oui, voilà. Qu'on a tant de choses à dire. Oh. Non, t'as arrêté. Ah, oh, je m'excuse. Oh. Oh, okay. Donc, vous avez entendu Maxime Tanguay et c'est sa chronique qui va commencer. Évidemment, sa chronique, aujourd'hui, nous parle d'un groupe qui s'appelle Elbow. Oui. Donc, ça fait penser à Coude. Ça fait penser à un lutteur qui ferait une descente du coude, je pense, François. Oh, oh ça, oh. J'aime ça. Donc, tu vas nous dire le nom de ta chronique en étant un lutteur, c'est moi qui va faire une descente du coude. OK, un lutteur qui fait une descente du coude. Ça, c'est mon émotion en matin. Ça, c'est ton émotion. Okay. C'est une belle émotion, je trouve. C'est qui ce band-là? J'en ai aucune idée! Dorénavant, on va penser que les gens qui chantent cette chanson-là, c'est tous des gars qui donnent du coude, qui donnent des coups de coude sur des instruments de musique. Avec leur coude. Ça fait. Ou un amputé. Donc, Maxime Tanguy. Mais c'est également un groupe, la descente du coude. Hein? Je sais. C'est vrai. C'est tout. C'est ça, mais tu n'en parles pas, fait que je peux pas faire l'association avec. Malheureusement. Non, je parlerai pas de. Je les connais pas assez. Non. Mais je les salue par contre. Oui! C'est un groupe qui a beaucoup de nerfs. Le petit nerf. Donc, Elbow, Maxime Tanguy, qu'est-ce que Elbow, c'est? Sors-moi de ce terrible trou. Tu sembles préférer de le prononcer Elbowow? Elbowow, c'est le frère de Little Bowow, mais qui a changé de nom. C'est pas Elbow. Exact. Non, Elbow, donc, groupe anglais. On va sortir des États-Unis. Ça me semble que j'ai été beaucoup dans les États-Unis au début de la session. Puis j'étais tanné. Et voilà donc groupe anglais qui est actif quand même depuis 1991, mais seulement depuis 1997 sous le nom Elbow. Et nom d'ailleurs qui vient d'une émission sur la BBC de quelqu'un qui avait une théorie très, très incroyable sur le mot Elbow. Non pas sur la partie du corps, mais vraiment sur le mot, comme quoi que c'était... Je pense qu'il trouvait ça sensuel ou je sais pas quoi comme mot. C'était un des mots les plus sensuels de la langue anglaise. Wow! Érotique et tout. Les gars d'Elbow ont vraiment comme... Ah ouais? OK, on va prendre ça. comme nom de groupe, mais bon. Eh bien. Ouais, c'est ça. Bref, donc, le groupe Elbow, qui est une sorte de rock indie, frôlant souvent avec le hard rock et l'alternatif, même des fois le new prog, vont chercher des petits éléments progressifs sans l'être, par contre, entièrement. Ils ont sorti une quantité de EP avant de sortir leur premier album qui a été issu en 2001, même si, en fait 10 ans après la création du groupe, qui n'a d'ailleurs jamais changé de line-up, de membres. De membres. Coude. Voilà, parce que changer son coude, c'est extrêmement difficile. Mais Loulou, moi, je peux remettre mes membres, pas vous. C'est à Star Le Robot. Ah oui! Oui. Oh, c'est mieux. C'est vrai que c'est quand même... Puis à chaque fois qu'il remettait son bras, je pense que les seins d'une madame grossissaient. Callback à une chronique précédente. Oui, je vous écoutais à m'en venir. T'es fin. Vous êtes vraiment bon. Ouais. Bref, c'est ça, et que c'est toujours... C'est les membres d'origine qui sont encore là, dont Guy Garvey, qui est le chanteur principal parolier également. Et je vais vous parler beaucoup de Guy Garvey, étant donné que c'est beaucoup la figure de proue du groupe. C'est la voix, c'est lui qui fait les arrangements souvent des chansons et tout. C'est lui qui écrit les paroles. C'est lui qui fait tout. Là. Non, il fait pas tout. La musique est écrite collectivement. Okay. Mais c'est beaucoup lui qui va arranger. Souvent, quand tu vas avoir, mettons, des violons, quand tu vas avoir des sections de cordes ou de vent qui vont être ajoutées, c'est lui qui va faire ça et tout. C'est un peu le chef d'orchestre, si on veut. Okay. Et il a une voix incroyable, tellement chaleureuse. Et c'est une voix qui me fait beaucoup penser à Peter Gabriel. Et pour moi, c'est vraiment pas n'importe quoi de le comparer à Peter Gabriel, qui est un de mes idoles de vie. Et Garvey a cette même richesse de voix-là, cette même chaleur de... il pourrait me chanter ma liste d'épicerie puis il me ferait broyer. c'est hallucinant. Et ses paroles aussi sont d'une simplicité tellement efficace. C'est tellement bien écrit, tellement bien peaufiné. Puis c'est un peu justement la manière de Gabriel que c'est des histoires qu'il va raconter dans chacune de ses chansons. Il va souvent un peu incarner le personnage sans tomber dans les délires de musical box où il l'entend quasiment, t'entends Gabriel chanter avec une voix de vieux. Lui, okay. Garvey fait pas ça, mais tu sens quand même toute l'émotion du personnage qui va passer à travers sa voix. Leur musique qui est derrière ça est très bien écrite. Il y a souvent une production assez malade, mais qui est subtile. C'est ça qui est intéressant. C'est bien produit, c'est beaucoup produit, mais ça paraît pas lourd là-dedans. C'est ce qui est le fun de Elbow. Je fais juste penser à Grace Under Pressure, qui est une chanson du deuxième album où ils ont... Avant même de sortir l'album, ils ont joué la chanson live et ils ont demandé aux gens de chanter la dernière partie de la chanson. Et sur l'album, tu l'entends. T'entends les personnes à Glastonbury. Glastonbury? Possible. Ouais. En tout cas, festival de musique en Angleterre, il me semble que c'est Glastonbury, qui entend la foule chanter la fin de la chanson alors qu'elle n'était même pas issue encore. C'est un moment frisson, un moment en poêle là, que ça clève jusqu'au plafond. Là. Mais donc, c'est ça, Elbow, c'est de la délicatesse, mais du rock en même temps. Ils ont une espèce de don de passer du prog au folk au rock en temps de 3 tunes. Tu t'en rends même pas compte, tellement c'est bien fait, c'est bien, il y a un fil conducteur là-dedans. C'est super cool. Donc, je vous ai... La discographie Asleep in the Back, qui est le premier album en 2001, Cast of Thousands, qui est l'album avec Grace Under Pressure, de là le nom Cast of Thousands, vu qu'il y a eu des gens qui ont chanté là, pour... Ah oui, la distribution de 1000 personnes. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, sur le livret, t'as le nom de toutes les personnes qui étaient à Glastonbury. Arrête donc. Qui ont... Oui, oui. Dans mais le... non. Ben, ouais. Voyons donc. T'es sérieux? Je vous jure. C'est un poster, cette affaire-là, c'est quoi? Non, c'est écrit tout petit. Juste en background, okay. Là, puis il faut que tu cherches longtemps pour te trouver, mais c'est tu peux être là si t'avais été là. Leaders of the Free World 2005, qui est magnifique. The Seldom Seen Kid 2008, qui a été mon album de la dernière décennie en musique. Ah ouais? Ah, écoutez ça, c'est à pleurer tellement c'est bon, c'est incroyable. Build a Rocket Boy. D'ailleurs, Seldom Seen Kid lui aura permis de remporter le prix. C'est-tu Mercury en Angleterre ou Mercury, c'est ici? Hey, quand tu m'as posé oui. Mercury. Le prix Mercury, dans le fond, qui est le prix de l'album britannique de l'année, okay. Qui est un prix quand même relativement très prestigieux. Et ils ont issu Build a Rocket Boys, qui est sorti en 2011, qui est leur dernier album de studio de matériel original, qui lui aussi est en lice pour gagner le prix. Il aurait été le premier groupe à gagner deux fois ce prix-là. Finalement, ils l'ont perdu aux mains d'une très charmante PJ Harvey, qui a été, elle, la première à gagner deux fois ce prix-là. Donc, ce n'est pas peu dire. Et finalement, ils ont issu cette année Dead in the Boots, qui est une sorte de collection de B-sides, que j'avoue, j'ai pas encore écouté. J'en parle présentement et j'ai honte. Ouais, comment tu fais pour te retenir d'écouter je ça? Je sais pas. Je pense que je vais arrêter ma connexion tout de suite, puis je vais aller l'écouter. Hey, bye. À la prochaine. Et donc c'est ça Dead in the Boots qui est issu cette année. Et les deux chansons que je vous ai amenées ce matin pour découvrir le groupe, c'est Station Approach de l'album Leaders of the Free World, qui sort en 2005, qui est une sorte de c'est quelqu'un qui revient chez lui, sa ville d'enfance, et qui est nostalgique de ça et qui se rappelle des gens qu'il a aimés. Si vous allez voir, c'est incroyable. Et The Bones of You de Seldom Seen Kid, qui est tout simplement un jeune garçon qui veut pas se lever le matin, qui préfère rester avec sa blonde couchée dans le lit. Ouais. C'est juste ça, là, mais cute, Caroline, que c'est bien fait. Ouais. Donc, c'est les deux chansons que j'ai. J'ai hâte d'entendre ça, là. Ah, c'est. Ouais, on dirait que tu me fais. Il y a un build-up, hein. Ouais. On pourrait continuer longtemps comme ça, tirer la sauce. Puis... Ouais, on pourrait. C'est qui déjà, ce band-là? C'est Hellbow. J'en ai aucune idée. C'est ça que tu voulais juste te dire. Non, mais ça marche très bien. Hellbow, ouais. On continue demain. That's all you live. so I'm there, charging around with a juggernaut brow. Overdrive speeches and deadlines to make, cramming commitments like cats in a sack. Telephone burner, purposeful gates. When out of the doorway, the tentacle stretch of a song that I know, and the world moves in slow-mo straight to my head like the first cigarette of the day. And it's you, and it's me, and we're sleeping through the day. And I'm 5 years ago and 3,000 miles away. Do I have time? A man of my caliber stood in the street like a sleepwalking teenager. No, and I dealt with this years ago. I took a hammer to every memento, but image on image like beads on a rosary pull through my head as the music takes hold and the sickener hits. I can work till I break, but I love the bones of you that I will never escape. And it's you, and it's me, and we're sleeping through the day. And I'm 5 years ago and 3,000 miles away. And I can't move my arm for fear that you will wake. And I'm 5 years ago. Donc, on entend derrière une espèce de petite ambiance, le cabaret. Mmh. C'est érotique. C'est, oui. Hein? Érotique. Érotique. On a utilisé ce mot-là tantôt, je ne sais pas pourquoi. Je ouais. sais bien pas. Quelque chose de moi, sexuellement excitant. Oh, tu parles d'un coude, là. Oui, c'est ça, un coude. Exactement. Hey, les callbacks aujourd'hui, j'aime ça. Personne n'y comprend par moi. Puis peut-être, non, François, il ne comprend pas ça. Non, je ne comprends rien. Les callbacks, il ne comprend pas ça. Mais il n'a pas fini son café. Hein, non, c'est ça. Je suis un peu endormi ce matin, d'ailleurs. J'étais bien. Ça va pas bien, toi. Ça va pas bien. On va entendre deux pièces de Elbow. Oui, voilà, voilà. Donc, et comme j'ai dit, Seldom Seen Kid, dans le fond, l'album dont la deuxième pièce a été tirée, c'est incroyable. C'est un des albums que j'ai adoré dans ma vie, là. Fait que je le suggère à tout le monde, allez écouter ça. Ça va être bon, voilà. merveilleux. Ben, ça résume bien. Ça résume tout. Oui. C'est oui. fantastique. Je te dis, on ferme le livre ou on tourne une autre page. Voilà. Et le livre continuera la semaine prochaine. Et voilà. Et c'est, cette page, on la tourne avec notre coude, bien entendu. Évidemment. Mouille-toi le bout du coude, là. C'est toujours bon, là, se mouiller le bout du coude. Oui. Hein? Premièrement, il faut essayer de se rendre. Deuxièmement. Mais c'est vous n'êtes pas flexible. C'est impossible. Hein? Ben, c'est non, mais pas flexible. Non, je pense pas que c'est possible. Non, c'est impossible. Pas que c'est possible. Non, sûrement pas. Mettons, Chuck Norris serait capable. Oh, Chuck. Du monde. C'est sûr. C'est ça. En tout cas, il serait capable de moi me faire me licher le coude parce que probablement qu'il me casserait le bras. Bon. Ouais, je pensais pas qu'on parlait de l'intérieur du coude. Ah, c'est pas une belle image, ça, l'intérieur du coude. Ah, non. Non. Non. Tu sais, on jouait à Mortal Kombat. Oui, c'est ça. C'est ça. Mortal Kombat, en fait, c'est même. Et puis, tu jouais à ça? Ouais. Ok, ça me surprend. C'est ça. Mais tu sais, c'était la première fois que je jouais à Mortal Kombat depuis mon époque Super Nintendo. Ça. Oh. Depuis ce temps-là, les graphiques ont bien évolué. Oui. Et quand il casse un coude à quelqu'un... Il casse le coude. Il casse un coude à quelqu'un. Puis ça éclabousse. Puis c'est vraiment dégueulasse. Mais je trouve ça donc le fun, ça. Mettons, tu sais, casser des coudes? Un cinéma maison, t'as l'effet sonore, là, tu sais. Du cassage de coude, là, c'est pas plaisant. Mais non. Quand tu casses la colonne vertébrale en tapant la tête de quelqu'un contre le sol. Ouais, ressort ou je sais pas quoi. C'est dégueulasse. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Wow. C'est le fun. Au Super Nintendo, c'est vraiment pas comme ça. Non, non. Non. Il n'y a pas grand chose. Mais au Super Nintendo, il y avait des Toasties. Là, il n'y a plus ça. Attends. Les Toasties. C'est quoi? Toasties. Ah oui, le bonhomme qui apparaissait pour appuyer sur Select vite, vite, là. Oui. Ah oui. Ah, il apparaissait nulle part, au milieu de l'écran ou dans le bas. Il faisait. Ok. Puis moi, j'ai jamais su ce que ça donnait parce que j'avais jamais le réflexe. Jamais. Fait que je sais pas. Je suis toujours dans l'ignorance. Il va falloir aller sur YouTube se renseigner qu'est-ce que ça fait. Ouais, on va faire ça, je pense. Good! Tu sais, dans la chronique, c'est un fait qui intéresse personne sauf toi et moi. Tu sais, mais c'est ça, c'est un fait. T'sais. Chronique du jeu vidéo, ça intéresse personne sauf toi et moi. Sexy, Kinky Sexy Time, là, j'en rejoins tout le monde. Mais c'est super bien. Là, c'est at large. Là, c'est at large, mais. Ouais. C'est ça. Le public cible est vraiment comme large. C'est ça. Ah, c'est beau, mais là, je suis en train de prendre ton spotlight de ta chronique. Là. Ah, ben mon Dieu, non. Hein? Ce sera la semaine prochaine, mardi à 7h30. Mais oui, mais en fait. Ce sera pas la semaine prochaine. Non, c'est pas là la semaine prochaine. C'est la semaine de relâche, d'ailleurs. C'est la semaine de relâche, la semaine prochaine. Et mon corps me dit Max, dors. Repose-toi bien. La semaine prochaine, est-ce qu'il y a de la lutte aussi? Non, c'est tout ce qui est universel. Ça fait relâche. Je crois, sauf vous, en fait, qui êtes des guerriers. Le reste, on fait pas mal tout relâche parce qu'on est tous lâches, finalement. Bon, on tient compagnie aux gens qui sont en relâche, tu sais. C'est notre idée. Ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais parce que les gens qui sont pas forcément sur le campus, eux, n'ont pas de relâche. Voilà. Donc, voilà. Et la vie est dure. La vie est dure. Mais non, il n'y a pas de lutte. Par contre, il y a la lime les mardis soirs, mais moins intéressant. Dis le gars avec un chandail de la lime. La lime en plus, oui, c'est vrai. Dis le gars qui est capitaine dans ce ligue-là. Bravo. Non, c'est pas vrai, c'est très. T'es capitaine dans la lime aussi? Ben oui. Hey, non, c'est partout. Je le sais. T'es pas à Drummondville avec l'autre, c'est qui est rendu là à Drummondville ou à Drummondville? Victoriaville? Alex Drouin. Mais c'est à Victoriaville. Victoriaville. À la Live. Oui, parce qu'il a besoin d'explorer d'autres horizons. Oui. OK. Mais cela changer dit, d'eau un petit peu. Cela dit, c'est un bon move. Je pense que c'est bien de changer un peu nos habitudes puis d'aller de sortir, surtout de Trois-Rivières, parce que à la lutte ou à la lime, ben c'est quand même les mêmes. C'est les mêmes joueurs? Pratiquement. Oui, c'est ça. C'est comme un diagramme de Vienne, mais il y a quand même. Il y a quand même une couple de personnes dans le milieu. Fait que c'est intéressant d'aller voir d'autres cultures d'improvisation. Ça peut nous faire changer, évoluer. Il n'est pas parti là-bas pour ça. Oui. Pour varier. Oui, pour brasser la soupe un peu. Ah, oui, exact. Puis, ça prend ça des fois. Parfait. Changer mode de place. Exact. Donc, C'est plus feng shui. C'est plus zen, feng shui. oui, tout à fait. Feng shui. Donc, on va lui dédier cette chanson. Lui qui veut changer d'eau et changer d'air. Voici Breathing Underwater de Metric. J'essayais vraiment d'amener ça vers ça. C'était ardu un peu. je salue l'effort. Merci. We were free. Ah, c'est tellement bon cette pièce-là, à chaque fois que j'entends. C'est bon, hein? C'est bon du métier. Oui. Breathing Underwater de l'album Synthetica. C'est la fin de la première heure. On se retrouve dans quelques minutes. Et qu'est-ce qu'on a en début de deuxième heure, François? On reçoit Michel Lebrun qui nous parle de justice judiciaire et. Surtout de justice judiciaire. Je dirais que le qualificatif, c'est de la justice. C'est judiciaire. C'est de la justice. C'est juridique. Et judiciaire ainsi que juridique. Ouais. C'est, on va mettre un jury là-dessus pour décider. Je sais pas, j'ai. Non. Les mots, ça tourne en rond dans les J. En tout cas, c'est. J'en crois pas mes oreilles. Oh. Pour l'instant, c'est l'info qu'on peut se rester là. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 16 octobre 2012. Lui, c'est François-Louis Marchand. Et lui, c'est Mathieu Clon. Oui, quel beau début de deuxième heure. Nous avons ici. Une deuxième heure fort chargée, d'ailleurs. Oui, j'ai de la misère à la lever, en fait. On tu va benches savoir. Combien, toi? Hey, je benche pas bien. Non, je benche pas pantoute, en fait. C'est pas pour moi, ça. On n'est pas des benchers. Non. Non, c'est vraiment pas notre spécialité. Non. Qu'est-ce que tu veux? Parle de ça. Ben, tranquille, toi. Pas pire. Bon, parle-nous de ça. Hey, 8h30, on va recevoir aussi David Ferron. C'est vrai, on l'a pas dit, David Ferron s'en vient nous parler du Congo. Du Congo ce matin, ouais. Ça va être très beau. Mais pour l'instant? Pour l'instant. Ouais, on reçoit ouais. Michel Lebrun. On patine, hein? Ouais, on patine. C'est pas si pire que ça. J'attendais à la fin de la chanson, gars. Ah. Ça fait mieux comme ça, c'est. On aime ça. Trop de détails. Hein. Voici panier à salade. Qu'on en fait des frivolités ici, des frivolitudes, des hey, ça se peut-tu. Hein, on voit Michel Lebrun nous regarder se dire ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font là? Hein? Ah, livre là, c'est oh, les mains sur la tête. Ah, ça pue fin, cette affaire-là. Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ouais, ça va bien ce matin. Très bien. Merci. J'ai réussi à me rendre. Ben oui, hein, pas évident. Labyrinthe. Non, c'est ça, exact. Avec ouais. La construction, ça va être comme ça jusqu'au mois d'avril. Au minimum. J'ai pas pris cher, je suis parti hier, moi. T'as sorti ton GPS? Non, j'avais une belle carte que François-Olivier m'avait envoyée. Parcourir le plan du campus, j'ai dit pas assez de passer entre le pavillon de la Kiro et le pavillon de la Santé. Est-ce que tu as mis le chemin vers Las Vegas aussi? Non, non, ça c'est lui qui devrait m'envoyer une carte, par exemple. Ouais. Va vous texter. Donc aujourd'hui, on parle de drogue. La maudite drogue sale. Ben oui. C'est qu'elle a fait. Ah, elle a fait tellement d'affaires. Je pense que si on n'avait pas, faudrait l'inventer pratiquement. Parce qu'il y a toute une industrie qui dépend de ça. Ouais, ouais, c'est ça. Assez, dont je c'est... fais un peu partie d'ailleurs, mais d'un autre sens qu'en tant que consommateur. Exactement. C'est le tout l'appareil judiciaire qui s'attaque d'une certaine façon, ou en tout cas, qui deal avec le problème de la drogue. Deal étant un mot utilisé dans le domaine de la drogue aussi, donc vraiment... C'est... Exactement. J'imagine, je connais pas ça, là, mais... Non. Tout est dans tout. Hein? C'était dealer, si on veut, de justice. Effectivement. Et puis, bon, c'est ça, il y a toute une approche par rapport à ça, puis je me disais, en préparant ce dont je parlerai aujourd'hui, je me disais, si j'étais un extraterrestre aujourd'hui, puis je débarquais en Amérique ou particulièrement aux États-Unis, mais ici aussi, on a une société qui ressemble quand même pas mal à celle américaine. Ouais. Je serais un peu mêlé de voir un peu le discours. C'est un peu schizophrénique, là, je dirais, la façon dont autant la loi traite de la drogue et en même temps, de quelle façon la culture a adopté un peu en a traité. Et puis, par exemple, on en fait l'apologie dans plusieurs... Si on parle des années 50, Jack Kerouac ou des auteurs dans la littérature comme Hunter Thompson qui avait écrit Peur et dégoût à Las Vegas. Oui. Ah, le film! Oui, vous avez vu le film? Ben, ah, le livre, c'était à l'époque hippie, la contre-culture, tout ça. Et c'est des gens, c'est une partie importante de la société, ou c'est des mouvements qui ont été importants dans la culture occidentale, je dirais, qui faisaient pratiquement l'apologie de la drogue, alors que du point de vue légal ou judiciaire, la tendance a été un peu contraire, c'est-à-dire qu'on a criminalisé. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est criminalisé. Je sais pas si vous le savez, mais c'est au début des années 1900 qu'aux États-Unis, on a interdit les drogues en général, là, certaines drogues. Et ça a évolué jusqu'aux années 70 où là, le problème, entre guillemets, là, a été perçu comme étant tellement grave que, dans le temps, à l'époque du président Nixon aux États-Unis, on a déclaré la guerre à la drogue. Oui. Et là, ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette époque-là, une possession simple, la simple possession d'une quantité de cannabis, par exemple, la peine minimale était de 2 ans d'emprisonnement à l'époque. C'est énorme, là. Bon, il y a eu toutes sortes d'approches qui ont été... on a un peu adouci l'approche concernant le cannabis. On l'a durci considérablement concernant d'autres drogues, qui sont des drogues qui sont effectivement très néfastes, comme l'héroïne, la cocaïne. Mais ça a engendré des problèmes qui sont monstrueux, au point où aujourd'hui, il y a des commissions aux Nations Unies même qui parlent d'un échec total là, ou presque d'une catastrophe là, lorsqu'on parle de la guerre à la drogue. Et le système judiciaire est un peu pris dans ça, puis a évolué d'une certaine façon, un peu entre ces deux pôles-là. Les gens qui tout fait pratique banalisent ça ou même le glorifient. Et l'approche, je dirais, plus dure que les Américains, inspirés de l'approche américaine. Je vais changer mes écouteurs, j'entends oui, encore. Oui, vas-y, c'est correct. juste pour donner un exemple de ce qu'on retrouve comme approche, on voit, et je vous dirais même des années 90, on en est venu pratiquement à autant à gauche qu'à droite, parce qu'on est porté à dire, bon, ben il y a l'approche prohibitionniste, si je peux m'exprimer ainsi, l'approche qui va être dure sur le problème de la drogue. Il y a des gens, on est porté à identifier la gauche ou des gens qui sont justement des cultures alternatives ou des anciens hippies ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un sénateur au Canada, sénateur Nolin, qui est un sénateur conservateur. Il y a qui fait la promotion de la légalisation, par exemple, du cannabis depuis longtemps. Et je vous légaliser ou décriminaliser, c'est pas pareil, là. Effectivement. Il y a comme deux approches. Je dirais principalement, il y a des tenants, des libertariens, on peut les appeler les libertariens, okay, qui sont autant à gauche qu'à droite, parce qu'il y a des gens de droite qui sont pour la liberté totale là, au niveau du marché puis ça. Puis je dirais, il faut revenir au problème initial. Qu'est-ce qu'on veut interdire? Est-ce qu'on veut interdire à des gens de se nuire à eux-mêmes? Est-ce que c'est le rôle de la justice? Est-ce que c'est le rôle du droit criminel? Est-ce qu'on peut empêcher ça quand c'est le désir d'adultes consentants de s'en prendre à eux-mêmes? Ce que répondent les prohibitionnistes, ce qu'ils disent, c'est que le problème de santé publique, le problème pour la société, le coût social, ce que ça génère en termes de crimes, et c'est vrai, là, parce que ces dépendances-là amènent les gens vers une déchéance qui peut les conduire à toutes sortes d'autres crimes et à toutes sortes de torts sociaux, et ça coûte cher aussi au niveau de la santé. Soigner ces personnes-là, des jeunes personnes qui sont tout fait pratique, maintenant incapables de travailler ou qui sont hospitalisés. On a aujourd'hui, même avec des drogues qui sont assez puissantes, des problèmes dans les... vous parlerez à des gens qui travaillent dans des hôpitaux psychiatriques, vous allez voir que... Oh oui, c'est des maladies mentales, des fois, sont souvent déclenchées par ça, et aggravées par l'usage de stupéfiants. Malgré tout, qu'est-ce qu'un stupéfiant? Qu'est-ce qu'une drogue? Qu'est-ce qui devrait être légal? Qu'est-ce qui ne devrait pas l'être? C'est tout un problème. Je vais vous lire une phrase qui date un peu d'un docteur anglais qui disait à propos d'une substance que ça causait une extrêmement nerveux, une condition semi-hystérique extrêmement nerveuse. Donc, on parle d'une espèce de... Je traduis un peu mal là, la phrase en anglais, mais... Ça, c'est pour la drogue en général? Non, on parlait d'une drogue en particulier. OK. Ce que le docteur Benjamin Ward Richardson dénonçait en 1883, c'était les dangers de boire du thé. Oui, OK. C'est... À quelle année, ça? En 1883. Je ne sais pas ce qu'il était dans le thé à l'époque, là, remarqué. Mais en 1936, une autre citation de Journal of Nursing, où on disait que quelqu'un qui prend, qui consomme de la marijuana, donc un consommateur de marijuana, se changera tout à coup à ou aura subitement recours à une violence meurtrière dirigée envers quiconque sera près de lui. Soudainement, donc, ça arrive à tous les jours. Là, ah oui, ça c'est un consommateur de marijuana. Et c'est probablement suite à une lecture comme celle-là que le gouvernement conservateur a décidé d'imposer des peines plus dures pour les gens qui font pousser du cannabis. Mais vous voyez, ça c'est une citation de 1936. Et... ces citations-là, je les ai retrouvées dans une revue qui fait la promotion de la légalisation de la drogue. Eux sont de ce côté-là à fond et ça se là-dedans. Et si je vous demandais le titre de cette revue-là, vous dites... Pas le High Times. Votre réflexe, ça serait de dire le High Times, parce qu'on retrouve dans toutes les... Et je vous parlais de la schizophrénie sociale qu'on vit actuellement. Dans tous les comptoirs, dans toutes les tabagies, on retrouve des revues comme le High Times qui font non seulement la promotion de la légalisation des drogues, mais qui font la promotion de l'utilisation des drogues. Oui, ils s'en cachent pas. Là. Et de la production des drogues. Exact, et ça se retrouve en vente libre. Et ça, c'est légal. Oui. Et ça montre comment faire même. Sauf que les citations que je viens de vous faire, elles ne proviennent pas de High Times, elles proviennent d'une revue qui s'appelle The Economist. Oh, The Economist, sérieux? Qui est une revue... Je pense qu'on s'entend qu'il est une revue très à droite, très sérieuse, qui est une revue qui est très pro-mondialisation, très pro-libre entreprise. En fait, tout ce que les Corées Rouges dénoncent ou que les Occupy dénoncent, c'est les positions qu'elles prennent. Généralement, une revue comme The Economist. Et eux, pourtant, en 1993, se sont prononcés publiquement et ont maintenu cette ligne éditoriale-là depuis longtemps. Pour prôner la légalisation, la décriminalisation, en fait, de non seulement le cannabis, comme on le voit dans plusieurs pays, mais de toutes les drogues. Pour eux... pour eux. Et c'est des gens de droite. Ils disent, ça donne rien. Ça coûte trop cher. Aux États-Unis, vous savez, ça coûte 15 milliards par année. On évalue à 15 milliards par année l'investissement du gouvernement dans la lutte à la drogue. Et c'est cet argent-là va vers la police, la détention, des enquêtes, même vers d'autres pays. On fait de l'épandage dans des champs de coca en Colombie. Ce sont des moyens qui sont monstrueux, qui sont astronomiques, qui donnent très peu de choses au niveau de la consommation réelle de ce qui peut se consommer aux États-Unis. Ceux qui en veulent en trouvent quand même. Là, ben oui, puis les statistiques... Si tu en veux, tu vas en trouver. Ben oui, puis les statistiques démontrent qu'aux États-Unis, où les sentences sont... astronomiquement plus sévère que partout ailleurs en Occident, il n'y a pas moins de consommation de stupéfiants, au contraire. Donc ça, c'est déjà un problème, les coûts que ça engendre. La difficulté aussi de traiter ces problèmes-là. Quand on pense à l'alcool, quand on pense à la cigarette, ce sont des substances qui sont des drogues. C'est difficile d'arrêter la cigarette. C'est difficile de l'alcool est une dépendance qui cause des ravages sociaux aussi importants, j'imagine, que la drogue, parce que c'est peut-être un peu plus répandu. Mais c'est légiféré, dans le sens où tu retrouves pas n'importe quoi dans ta bière. Ben, exactement. Tu t'assures un minimum de qualité. Ben, c'est un peu ce que dit la revue des Economists, et c'est un peu la critique qu'elle fait de notre société actuelle, c'est que du choix qu'on fait par rapport aux drogues. Alors, remarquez que je vous présente cette position-là. Bon, je ne sais pas que c'est nécessairement... Que la voie est dans la légalisation totale. Mais ce que eux prétendent, c'est que la société serait beaucoup mieux servie si on adoptait la même approche que pour l'alcool, par exemple, ou pour la cigarette. Réduire punir les comportements. Par exemple, prendre son véhicule alors qu'on est sous l'effet de stupéfiants, ce qui est très difficile aujourd'hui à établir. Et il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de ressources qui sont mises sur la détection de personnes qui sont sous l'effet de stupéfiants au volant. C'est quoi? C'est par opposition à l'alcool. C'est la prise de sang, j'imagine? Ça prend une prise de sang. Est-ce que peuvent les policiers prendre une prise de sang? En fait, il y a tout un processus qui est en vigueur depuis 2008 et pour lequel le gouvernement n'a pas investi vraiment dans les moyens. Ça prendrait ce qu'on appelle des agents vérificateurs. C'est qu'il y a des policiers qui devraient être formés pour détecter les symptômes, parce que c'est plus difficile, effectivement, de mesurer si la personne a des stupéfiants dans le sang. Là. On peut le soupçonner assez facilement en observant certaines personnes, mais d'établir la preuve que la personne en a, ben il faut partir de certains symptômes, exemple au niveau des pupilles. C'est ça, les yeux. Ça va nuire aux gens qui ont les yeux secs puis les yeux rouges en temps normal puis qui n'ont pas pris de drogue, mais bon. Bon, c'est ça. Mais lorsqu'on a certains petits symptômes, on peut, après ça, dans le contexte de la conduite automobile, le policier pourrait faire passer ce qu'on appelle des tests symptomatiques, voir la vitesse des réflexes ou des choses comme ça. Oui. Et il y a une série de symptômes qui, lorsqu'ils sont associés à une drogue en particulier, pourraient conduire le policier à exiger une prise de sang ou un test d'urine. Mm. Mais ça se fait très peu comparativement à l'alcool, alors que il y a des chimistes, moi, qui me disent que peut-être que ce problème-là n'est pas mesuré. On ne sait pas la quantité de personnes qui prennent leur véhicule sous l'effet de stupéfiants et l'impact que ça a aussi au niveau des accidents. On en voit très peu. L'approche au niveau du tabac, l'éducation populaire, tout ça, fait en sorte que, sans qu'on ait interdit la consommation de cigarettes, on a quand même diminué considérablement le nombre de personnes, dont je fais partie d'ailleurs depuis 2 mois, qui sont des non-fumants. Félicitations. Merci. c'est pas la criminalisation qui est nécessairement la solution. On a tenté la prohibition au niveau de l'alcool, vous savez, aux États-Unis, pendant les années 30. Oui, ça a duré 13 ans. Et quand on voit la catastrophe que ça a représenté pour les Américains, non seulement ils n'ont pas réussi à contrôler la consommation d'alcool, évidemment, la qualité, comme tu disais, François, était mesurée. Pas contrôlée. Donc, il y a des gens qui pouvaient y avoir des accidents, des choses comme ça. Et au-delà de ça, c'est que ça a créé un monde interlope absolument qui a connu une puissance qu'il n'avait jamais connue avant parce que c'était approprié de ce marché-là. C'est vrai pour la drogue maintenant et je pense qu'il faudrait être aveugle pour pas le réaliser. Et puis, c'est un peu tout ça qui nous conduit à la situation que je trouve un peu schizophrénique actuelle. C'est que maintenant, dans la population ou dans le monde réel, les gens voient la consommation de stupéfiants peut-être d'une façon qui est plus réaliste que le législateur, dans le sens où on voit qu'il y a des gens qui en ont déjà consommé. Puis c'est pas, vous savez, si quelqu'un au Canada se fait prendre avec une simple possession de cannabis. Possession, on parle quoi? Un gramme? Simple, de quelques quantités que ce soit, puis passe en cours. Les États-Unis, en vertu de leur guerre à la drogue et de leur politique de tolérance zéro qui s'applique depuis à peu près l'époque du président Reagan, une condamnation pour possession simple de stupéfiants, quelle que soit la quantité, fait en sorte qu'aux États-Unis, vous n'avez pas le droit d'aller aux États-Unis. On peut pas traverser les lignes américaines si on a eu une condamnation comme celle-là. Alors que si on a eu une condamnation pour alcool au volant, si on a eu des voies de fait, si on a eu on a commis des vols, des choses comme ça, des choses qui, je sais pas, pour le commun des mortels, on est porté à penser que c'est peut-être un peu plus mal, ou en tout cas, il n'y a pas de problème, on peut passer, puis il s'agit de le déclarer au douanier. Mais les conséquences sont un peu disproportionnées. Et on se dit, cette personne-là, qui s'adonnait à ce vice-là. Oui. On peut être en désaccord avec ça. On peut trouver, un peu comme lorsqu'on parlait de pratiques dans d'autres domaines la semaine dernière, mais est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'aller régir tout cela et est-ce que ça ne conduit pas à des aberrations? Quand on dit qu'aux États-Unis, on dépense 15 milliards par année pour trouver ces gens-là, il y a un film qui va sortir, qui est sorti d'ailleurs, un documentaire qui s'appelle The House I Live In, qui est un documentaire qui a remporté le prix du meilleur documentaire au festival Sundance, qui est un festival de cinéma indépendant. Oui. Et qui dénonce cette guerre à la drogue-là, qui dit c'est rendu une catastrophe aux États-Unis. Le taux d'incarcération de personnes pour des infractions reliées à la drogue, on dépasse 1 million d'emprisonnements par année. 1 million de personnes, là. 1 million de gens. Aux États-Unis, dans un pays où il y a, 250-300 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme. Et des gens qui sont toxicomanes, qui commettent des crimes parce qu'ils sont toxicomanes, ben la seule solution qu'on trouve à ça, c'est de l'emprisonnement. Et là, il faut construire. Et on n'arrête pas de construire des prisons. Et lorsqu'on est rendu à emprisonner à peu près 1% de sa population, ça commence à être... ça commence à coûter cher. Ça n'a quasiment pas de bon sens. Les États-Unis ont voulu intervenir dans d'autres pays pour lutter contre la drogue. Et encore là, ils sont allés au Mexique pour essayer de faire un peu la loi là-dedans. Et ce qu'on retrouve au Mexique aujourd'hui, c'est une catastrophe nationale. Les guerres entre trafiquants de drogue ont causé 50 000 morts là, dans les 5 ou 10 dernières années au Mexique. Ça, ouais. Et là, on se retrouve au Canada avec ce problème-là. Et avec notre façon de traiter ce problème-là, on a une approche qui est traditionnellement plus douce que celle des Américains. Par contre, il y a une grosse influence du lobby américain. Je dirais, on fait pas ce qu'on veut au Canada. Et les Américains ont une grosse crainte que si le Canada, exemple, décriminalisait le cannabis... Ça va être la porte d'entrée. Effectivement, la frontière est tellement grande que le cannabis se produirait en grande quantité ici et serait exporté aux États-Unis. Il y a déjà eu quand même... Juste le fait que les sentences soient tellement plus lourdes aux États-Unis a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'exportations, d'ailleurs, de cannabis, selon les policiers du Canada, vers les États-Unis. Mais tous les groupements qui défendaient d'une façon ou d'une autre, des fois, pour la consommation, par exemple, du cannabis pour des raisons médicales, se sont un peu mobilisés dans les années 90. Il y avait un sénateur, comme je vous disais, un sénateur conservateur qui... prônait la légalisation du cannabis. Il y avait un parti, hein, le Bloc POT, qui à l'autre, peut-être un peu à l'autre spectre idéologique. Est-ce que ça existe encore? Je sais pas. Écoutez, je n'ai pas entendu parler, ça fait longtemps. Le chef s'appelait Boris Saint-Maurice, qui était, un chanteur ou qui était dans un groupe dont je ne me rappelle plus le nom, là, mais en tout cas, on les voit sortir d'habitude du reste des élections. Puis, ils se sont... ils ont, eux aussi, invoqué la Charte des droits dans l'espoir de faire invalider cette loi-là en disant le gouvernement ne devrait pas légiférer, devrait pas rentrer dans la vie privée des gens. C'est un peu comme lorsqu'on a décriminalisé l'homosexualité. Ce que tu fais chez vous ne devrait pas... Ça te regarde. Ça s'est rendu devant la Cour suprême du Canada, qui sont des gens relativement sérieux, qui, dans les années, je vous dirais, c'était en 2003... ils se sont divisés, je dirais, à 4-3. Il y a 3 juges serré, de la Cour suprême qui auraient donné raison à ces groupes-là et qui auraient interdit au gouvernement même de criminaliser la consommation de cannabis. Et ceux qui ont, les 4 juges qui ont eu gain de cause dans un sens parce qu'ils étaient majoritaires, qui ont confirmé que le gouvernement avait le droit d'interdire ça, je vais vous dire, ils ont travaillé fort, là, je dirais, pour trouver des arguments. Et principalement, ils ont dit, le gouvernement, écoutez, c'est élu démocratiquement. Ce sont des gens qui ont... c'est à eux à décider ce qui est dangereux pour une société. Et ils peuvent criminaliser quelque chose qui est dangereux pour certains groupes minoritaires. On les a définis de la façon suivante, les groupes, on va dire les groupes vulnérables. Donc, pour protéger des petites minorités de gens qui sont vulnérables... On l'interdit à tout le monde. Et c'est le seul raisonnement qui, en dernière analyse, a permis à la Cour suprême de valider ça. Okay. C'est un argument qui est un peu quand même... Contestable. Un peu contestable. Et les groupes vulnérables qui ont été identifiés sont particulièrement à risque sont les adolescents qui ont déjà des résultats scolaires médiocres. Ils l'ont dit comme ça. Pour vrai? Oui. Les femmes enceintes et les personnes qui souffrent d'affections préexistantes comme des maladies cardiovasculaires, des troubles respiratoires, la schizophrénie, qui est revenu, et autres toxicomanies. Donc, l'interdit à tout le monde seulement pour ces groupes-là. Seulement, ce qui a permis en dernière ligne, c'est un peu comme dire on va permettre, on va interdire l'alcool au volant parce que même si la plupart des gens se rendent à destination, ben des fois ils vont commettre. On va l'interdire à tout le monde. Bon, c'est un peu boiteux comme comparaison, mais c'est un peu ce raisonnement-là que la Cour suprême a retenu. ça a été quand même tellement fort comme mouvement que finalement, le gouvernement a, est allé vers la non-judiciarisation. Pas la décriminalisation, mais ici au Québec, on a un programme qu'on appelle de non-judiciarisation qui permet à des gens qui sont... ça existe pour d'autres infractions que les stupéfiants. D'ailleurs, au départ, c'était pour, par exemple, une accusation de voie de fait simple. Des voies de fait, ça peut être très banal, là, comme pousser quelqu'un dans un moment un peu d'égarement, un petit vol à l'étalage. On jugeait qu'il y avait peut-être des alternatives à donner un dossier criminel à des gens. Okay. Donc, quelqu'un qui n'a jamais été condamné, qui n'a jamais été poursuivi, qui n'a jamais été suspecté. Tu peux plaider d'avoir commis un crime. Non, c'est une décision qui est prise par les procureurs de la poursuite, les procureurs de la couronne, qui reçoivent les dossiers. Lorsque ce sont ce type d'accusations-là, peuvent. Écrire une lettre à la personne va recevoir une lettre, on sait que tu as commis telle infraction et par contre, compte tenu que tu te qualifies et que c'est pas suffisamment grave parce que il y a toujours une discrétion, ça pourrait être un cas de voie de fait simple, ça peut être grave même si c'est pas, parce que c'est de la violence conjugale ou parce qu'on s'attaque à des enfants ou des choses comme ça, le procureur a une discrétion, mais lorsqu'il regarde le dossier puis qu'il considère que ça se qualifie, ben ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il il écrit une lettre et il dit, ben tu vas avoir un peu, comme on dit au golf, un mulligan. Vous avez commis cette infraction-là. Je garde en note que vous l'avez commis selon moi, que j'ai suffisamment d'éléments de preuve. Mais pas de casier. Mais je vous accuserai pas. OK. Puis recommencez pas. T'as vous communautaire? Et si vous voulez être accusé, parce que si vous considérez que non, vous n'avez pas commis cette infraction-là, alors que moi, je prétends que vous l'avez commis, ben et appelez-moi, puis je peux vous accuser si vous voulez faire la preuve de votre innocence à la cour. Mm-hmm. À ma connaissance, une personne s'est prévalue de cette disposition-là à date au Québec, et c'est un avocat, et il a été condamné suite à son procès. Pour vrai, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure. Lorsque ça a commencé, ce programme-là, on se disait, est-ce que quelqu'un va un jour se prévaloir de ce droit-là? Il voulait l'essayer. Et c'est un avocat qui l'a fait, et puis il s'en est mordu les doigts. Epic fail. Et on a inclus les possessions simples de cannabis. De moins de 30 grammes ou de hachiche de moins de 1 gramme. Donc, pour les petites quantités, on a inclus ça dans le programme de non-judiciarisation. Pour une première offense, j'imagine que ça fait 3 fois. C'est ça. Alors, on a droit à ça une fois dans notre vie. Le programme qui existe au Québec te permet d'en bénéficier une fois dans ta vie. Mais pour ce type d'infraction-là. Et ça, si j'en ai bénéficié pour un vol à l'étalage, ben, je peux pas en bénéficier pour... pour autre chose. On peut pas faire le tour une chance, ça, pour tout. Non plus. Okay. Fait que... Ah, c'est cool. Je savais pas que ça existait, ça. Sincèrement. Oui. Même au fédéral, dans le code criminel, on a quand même allégé les peines pour les possessions de cet ordre-là. Okay. Donc, il y a eu quand même une certaine réponse à ça. Et le gouvernement, c'est... pour il y a des gens qui invoquaient l'usage, par exemple, du cannabis pour des fins thérapeutiques. Et il y a eu... des médecins qui sont permis là, qui sont émis par Santé Canada. Pas à une grande échelle. Mais il y avait des places où tu pouvais l'acheter avec une prescription. Oui, c'est à ça. À Montréal, le centre... Il y avait des clubs Compassion qui appelaient. Clubs Compassion, exact. Comme ça. Ça, eux ont un statut qui est très ambigu. Qui frôle... En fait, à l'époque, où avant l'arrivée des conservateurs, ces endroits-là étaient comme un peu tolérés. Les conservateurs ont voulu... ils sont allés assez durement... ont une approche beaucoup plus absolue là, au niveau de l'interdiction et de la criminalisation. Donc, ça a eu un effet pour ça, les clubs Compassion qui étaient seulement tolérés. Ça a eu un autre effet, c'est que une autre approche qui avait été essayée, puis à Vancouver, c'est une ville où on a un problème assez sérieux là, au niveau de l'héroïne, des drogues, drogues dures, injectées et tout ça. Et on avait commencé des sites d'injection, des sites où... C'est vrai. Les gens allaient s'injecter leur héroïne avec des seringues. Des seringues qui étaient propres. Qui étaient propres. Sous la supervision de personnel médical, ce qui était un grand succès parce que on pouvait. Donc, on avait un certain contact, on pouvait intervenir auprès de ces personnes-là, on pouvait les conduire. Ils savaient aussi que s'il y avait besoin d'aide. C'était une place, en fait, qui était de confiance aussi. C'est des gens qui sont vraiment détachés de la société. Ben oui, et puis lorsqu'on parle des problèmes de la drogue, on dit, ça cause la criminalité. Est-ce que c'est le fait que la drogue est illégale qui cause toute cette criminalité-là? Ouais. Dans certains pays en Europe, on fournit même l'héroïne aux héroïnomanes dans l'espoir de les encadrer suffisamment pour leur donner la meilleure chance de pouvoir s'en sortir. Et puis, c'est pas... je pense que l'histoire a démontré que c'est pas en criminalisant ou c'est la répression en matière de toxicomanie. C'est pas génial. Ça a ses limites. Je pense que c'est même pas indiqué parce que, justement, le propre de la toxicomanie, c'est de ne pas réagir, de fuir, dans le fond, les conséquences d'un emprisonnement ou d'une déchéance que peut apporter des condamnations criminelles pour se réfugier dans sa dépendance, peu importe ce qu'elle soit. Là. Donc, je pense que l'approche dure qui est... C'est pas la meilleure approche. Oui, puis qui, je trouve que la société le réalise de plus en plus, alors que les gouvernements semblent, malgré les petites ouvertures qu'il peut y avoir du côté de certaines drogues, lorsqu'on parle qu'à partir du mois de novembre, j'en ai déjà parlé, il y aura des peines minimales de prison pour des gens qui feront pousser des quantités. Mais vraiment, c'est ce que je m'allais dire. En terminant, en fait, les conservateurs ont instauré aussi quelque chose qui était... ils ont durci la loi. Ben oui. Puis... leur réponse, c'est la prison dans tout. Et puis, on avait créé ce qu'on appelle de la prison dans la collectivité, ce qui était une façon... On disait si un crime valait de l'emprisonnement, il y avait la possibilité pour les tribunaux de conclure que la personne, plutôt que d'aller passer sa peine de prison en prison, qu'elle ferait cette peine-là dans la société, en faisant des travaux communautaires, en étant détenue dans son domicile. Toujours dans la société. Dans la société, pour pas être en contact avec le milieu criminel. Et cette approche-là était particulièrement indiquée dans le cas de toxicomane. Parce qu'envoyer un toxicomane en prison, c'est souvent aggraver son problème parce que, Les contacts sont peut-être pas... Il y a quand même de la drogue, on se le cachera pas, circule dans les prisons. C'est ça, exactement. Deux, ces gens-là deviennent, dans un milieu comme le milieu carcéral, ils deviennent une sous-classe, ils sont exploités. Leur dépendance en fait pratiquement les esclaves. Les esclaves des gens qui peuvent leur permettre de l'assouvir, cette dépendance-là. Et ça cause des problèmes. Lorsque ces personnes-là sortent de prison, on a un problème qui est plus grave qu'avant qu'ils rentrent en prison. Génial. Hey, Michel Lebrun, on pourrait faire une émission spéciale un moment donné. Ben oui. Ça serait intéressant. Ça me fait plaisir. Ça me fera plaisir. Donc, Michel Lebrun, qu'on reçoit toutes les semaines le mardi à 8h pour sa chronique panier à salade, qui contenait un ingrédient spécial aujourd'hui, comme les brownies. On l'a bien aimé. Donc, à la semaine prochaine. Et puis, pour l'instant, nous, on va prendre une petite pause musicale. On va l'entendre une pièce du Husky. Oui. En hommage au Matricule 728, ça a été créé dans le cadre du concours Le Projet Matricule 728 Remix du journal Voir. La pièce est un anti-hommage à un des pires policiers tous sexes confondus, disent-ils, avoir travaillé pour le SPVM. En tout cas, c'était pas la meilleure. Pas la meilleure. Donc, 728 en enfer, c'est le nom de la chanson du Husky. On revient avec David Ferron et sa chronique La langue dans ton oreille. Restez là. Faut faire ça legit. C'est sûr. Parce qu'on est filmé. parce qu'on est filmé. Parce qu'on est filmé. Parce qu'on est filmé. Ben, ben, ben, un peu qui brûle bien, là, avec toi. Puis, ben, ça va. Ben, un peu qui brûle bien, là, avec toi, quand t'as si gratté du temps, tu sais. Des gros mots là. Hey, c'est vulgaire. C'est vulgaire. Ça va faire. C'est vulgaire. C'était Le Ski avec la pièce 728 en enfer. Allez retrouver ça sur leski.bandcamp.com. Le Ski qu'on fait jouer à C'est Fou depuis toujours et qu'on on adore. On fait pas assez jouer, je pense. Non, exactement. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de nouveaux CD de sa part. Donc, ça va venir, j'espère, un jour et on le fera jouer. Au retour, c'est la chronique de David Ferron. David, glisse-nous un petit mot sur ce qui s'en vient dans ta chronique, s'il te plaît. Il s'en vient plein de belles surprises. Je vais faire un petit topo rapide. Ça te fait déjà rire. Oui, je vais faire un petit topo rapide sur le sommet de la francophonie qui a eu lieu au Congo, en fin de semaine. Oui, exactement. Après ça, tu y étais, je pense? Oui, ouais. J'ai pas vu Pauline, j'ai pas vu Stéphane, j'ai pas vu personne. En fait, je pense que c'était dans ma tête. Ah. Okay. J'ai été dans ma tête, en fait. Puis après ça, je fais subir un examen pour voir si vous connaissez un petit peu votre francophonie. Et ça va être un échec, ça. Ben pour moi, oui. En fait, je pense pas avoir une bonne note, mais bon. On va s'amuser après la pareil. Pause. Ouais, après la pause, to the Congo. Yeah. Ouais. Let's Congo. Ah, fuck, Caroline. Non. J'avais fini, puis j'avais fait le signe que j'allais en pub. Là. Ah. OK. Si je fais ça, mettons, là. Là parle pas, là. Attention, je te check, là. Attention. Et hop, pub! Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le plan de demain à assemblage requis. Angie Durocher sera avec nous pour sa chronique aléatoire, l'index. On parlera des activités de la GEQTR avec Jasmine Raymond-Dréville et la chronique de Maxime Guilaudeau sur la culture sportive d'une foulée à l'autre. C'est demain matin dès 7h à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. Il est 8h44 et c'est toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Et le reste de l'émission va être passé pas mal dans le fou rire et la bonne humeur. Oui, je pense que oui, avec David. Monsieur Toupette Dinsard, monsieur Frisotti Frisotta. Oui. C'est ça? Avouez que ça me fait bien. Oh. Voici la la langue dans ton oreille. Intro. Je le vois, il s'en revient le petit chat, il va faire son coussin. Oui. Ça va être beau. Minou, minou, viens ta minou. La langue dans ton oreille. J'aime le son du chat. Il est tellement sympathique. Quelle couleur qu'il est, on le voit pas à la radio. Ben, je pense qu'il est roux avec des accents de blanc. Oh! Et moi, tu sais, les rousses. Chat rousse. Ah non! Ah. Les petits minous chats. Oh. Bon. Bon déjeuner, tout le monde. David Ferron, tu nous parles du Congo aujourd'hui. Ben, en fait, je vais vous parler. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du Congo comme introduction à ma chronique aujourd'hui. OK, je vois. Parce qu'on va s'amuser. François n'a pas l'air sûr, mais il n'est jamais sûr de rien. Je m'amuse tout le temps avec toi. Oui, ben, de toi. Il rit de toi avec toi. Ah. C'est un peu ça, non? Mais au revoir, les gars. Ça a été un plaisir de faire la chronique, mais pas ça, avec ça vous. Ça n'a pas été long. C'est ça? C'est rare. Commence pas à enlever tes écouteurs, là, c'est déjà assez compliqué. Okay. Donc, David. Donc, en fait, je vais faire un tout petit topo sur le sommet de la francophonie qui a eu lieu cette fin de semaine au Congo. Oui, au Kinshasa. À Kinshasa. C'est dur. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas si difficile que ça de dire Kinshasa. Ça, c'est comme l'espèce... C'est une ville qui est située dans la République démocratique du Congo, qui est dirigée par Joseph Kabila. Sauf qu'il y a eu une petite controverse dans le sommet. C'est quoi? C'est qu'en fait, le président du Congo, qui est supposé... En fait, le président de la République démocratique du Congo aurait été élu président, mais les processus l'ayant mené à son siège paraîtrait que ça serait pas tout à fait légitime. C'est un peu croche. Paraîtrait que oui. Il y a eu un petit scandale par rapport à ça. Et là, il faisait un. Là, en plus, il y a beaucoup d'oppression envers ses opposants. C'est pas quelqu'un qui aime se faire critiquer ben. Oh! Donc, ça part bien? Non, pas vraiment. Et là, il a fait quelques discours sur la démocratie et blablabla. Et là, ça a l'air qu'il ne s'est pas fait beaucoup applaudir. Ça a été plutôt froid. Il y a même Pauline Marois et Stéphane Harper qui ont refusé de le rencontrer. Ah, OK, quand même. Pareil que ils ont assisté, par exemple, à la conférence ou ils ont quitté? Oui, ils ont assisté. Non, ils n'ont pas boycotté rien. Ils ont assisté en tant que tel. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu rencontrer le président congolais. Et même que ça a l'air qu'entre Hollande et Kabila, les relations sont pas très tendres. Disons que paraîtrait que Hollande a été assez in your face. Oh! Il est pas très in your face avec sa femme, mais il l'est assez avec... In your face. Non, c'est une manière de parler. C'est rouleux en Hollande. Rouleux en Hollande. Comment est-ce que ça? Et donc là... Par rapport à ça, donc évidemment, on a parlé des enjeux de la francophonie, de l'Afrique francophone qui aimerait justement se servir de la francophonie pour prendre sa place, qu'elle a le droit de prendre et qu'on ne prend pas nécessairement. En fait, la place qu'on n'accorde pas assez à l'Afrique. Parce que souvent, c'est l'Afrique, oui, on va vous aider, vous faites pitié, c'est une espèce de vision misérabiliste, si je peux dire ça comme ça, de l'Afrique issue de la transition colonialiste. Alors que l'Afrique a plein de richesses, beaucoup d'êtres intelligents et beaucoup de personnes qui mériteraient de nous botter le derrière. Oh, wow. Puis il y a même Pauline Marois qui a dit, en fait, une fois de retour au Québec, c'est que oui, c'est facile de parler de démocratie aux Africains, mais une fois que tu es rendu là-bas, ben, tu te gardes une petite gêne parce que tu es en face du monde. Donc, pour dire que oui, c'est bien beau de faire la morale, mais rendre sur place, c'est une autre game. Ouais, c'est ça. En même temps, ils veulent pas nécessairement se faire dire quoi faire. C'est comme les États-Unis avec la guerre contre la drogue au Mexique. C'est comme toutes les affaires, les États-Unis. Le Mexique va s'arranger. C'est un peu la même chose. Ils sont assez grands. C'est ça. Si, c'est... Ouais, et puis on pourrait leur donner davantage. On pourrait les aider à se développer au lieu de toujours les parrainer j'aime bien ton point. C'est ça, au lieu de dire, ben regardons, vous parrainez, faites pitié, puis nanana, ben dire, ben regardez, vous avez telle infrastructure, on va vous aider là-dessus, on va faire des partenariats économiques, culturels, blablabla. Donc, ça serait pas une mauvaise idée d'avoir une telle optique au lieu d'une vision de pitié. Voilà. Et donc, je profite également de ce sommet-là pour finalement vous faire un petit questionnaire sur la francophonie. Et Colin. C'est pas grave. Buzzer? Donc, t'as-tu le buzzer? Non, on n'a pas. Vous avez pas de buzzer? On va faire des sons. Écoute, ouais. Okay. Moi, je fais le petit minou, là. OK. Et toi, Mathieu? Je vais faire rabbit. Wow. Je vais essayer de pas devenir schizophrène à la fin de la chronique. Donc, êtes-vous prêts? Donc, c'est François contre Mathieu, Mathieu contre François. C'est pas trop compliqué à date, là. C'est simple, à date, là. On comprend bien. C'est un quiz, comme on dit. Ah ben, excellent. Donc, première question. Quelle est la date de la Journée internationale de la francophonie? Ribbit. Oui, Mathieu. Je sais pas, c'est sûrement pas aujourd'hui, ça tomberait beaucoup trop bien pour toi. Mettons hier, lundi le 15. Non, pas vraiment. Je vais donner des choix de réponse, ça va aller mieux. Je vais essayer. Bon. Ta réponse trop vite, moins un. Ben oui, mais je savais-tu, moi, tu nous as mis un silence d'en face. Ben c'est un test d'abord. OK, c'est le 20 mars, en fait. Ben oui, Mathieu, voyons donc. Ouais. Ben là, Mathieu, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Ta chronique, tu peux pas regarder le mois de mars. Ben non, même le chat dans l'introduction le savait. Ah ben, quand. Mais c'est un chat intelligent, c'est un, tu sais. Ouais. Faut dire, là. Il est roux. Ouais, en plus, puis blanc, fait que roux et blanc. OK, donc... Prochaine question? Oui. Combien y a-t-il de francophones dans le monde? Là, c'est un choix de réponse. Okay. A, 650 millions. B, 870 millions. C, 750 millions. Je te laisse si tu veux. C'est tellement... Okay. Oui, François. 750 millions? Mien. Ribbit. Oui. A. Mien. Il y a 850 millions. Ah. Il y a 870 millions de francophones répartis notamment dans 77 États et gouvernements de plein droit du sommet de la francophonie, mais il y en a plein d'autres. En fait, il y a au moins 90 pays où il y a un bassin de francophones assez élevé. C'est pas mal quand même. Oui, puis ça va même, mettons, du Centrafrique, du Chypre. Ça va même, mettons, de l'Uruguay, le Madagascar. Il y a plein de pays, en fait, qu'on pense pas qu'il y aurait un bon bassin de francophiles, mais qu'il y a beaucoup de francophones et de francophiles. C'est ça, francophone, c'est des gens qui parlent français, francophiles, ceux qui apprécient la langue française. Ben, en fait, un francophone, c'est quelqu'un qui est né dans un État ou dans une famille qui est francophone. Dans ce cas, francophile, c'est quelqu'un dont la langue n'est pas originaire. Sa langue première n'est pas le français, mais... qui aime beaucoup le français, qui aime beaucoup parler le français. Voilà. Comme Stephen Harper. Oui, pareil. Il a, lui. Puis il aime les chats aussi, lui. On sait. Oh, ouais. Dans une de ses pubs, à un moment donné. Ouais, hein. C'est mignon, un chat. C'est trash, ce matin. Un petit peu, c'est dark. Ouais, hein. Donc. L'autre question. Quelle est la capitale de Andorre? Colin. Attends. Ribbit, ribbit. Oui. Morphée. Andorre, Morphée. Ah, non, pas tout à fait. Je sais pas, je pourrais y aller dans un jeu de mots poche, moi aussi, en disant ouais, peut-être Lituanie. Lituanie. Oh! Oui. J'applaudis. Oui. Ça mérite un point symbolique. Ah, oh, ok, c'est d'accord. Je le prends, je le prends. Attends, c'est au Drakistan. C'est pas un pays, ça, non. Ah, non, c'est pas un vrai pays. Au moins, toi, c'est un vrai pays. François. Moi, ouais, mais là, ce qu'on cherchait, c'était la capitale, non? Ah. Oui. Donc, c'était pas un pays? Ben, non, c'est ça. Bref, j'ai perdu mon point. Oui. Bref, j'aurais dû me la fermer. Oui. Moi, j'ai l'impression. De fait pour toi, ben. Ouais, merci. Hey, c'est beau, les collègues qui se sacrifient mutuellement. Là. Il y a combien de questions dans ton quiz? Ben, il en reste. Ça doit se faire, là. Deux. Il en reste deux après ça. En fait, la capitale d'Andorre la Vieille. C'est Andorre la Vieille. Andorre la Vieille. C'est Andorre la Vieille, la capitale. Wow. Oui. Wow. Vous verrez ça, oui. Quand je jouais à Genève, on devait retenir. T'as fait ça, toi? Oui, fait ça dans un passé quand j'étais intelligent. Une époque lointaine, mais il fallait apprendre toutes les capitales. Puis là, je me suis demandé, ça se peut pas que ce soit Andorre la Vieille, la capitale. Effectivement, ça se peut. Ça se peut parce que c'est ça, la capitale, c'est Andorre la Vieille. Puis en fait, Andorre, c'est une espèce de petite. C'est même pas une île, c'est une espèce de petit territoire, un bout de moton de terre entre la France et l'Espagne. Non. C'est vraiment. C'est microscopique, là. Puis c'est un. Il paraîtrait qu'au niveau touristique, c'est très beau et qu'au niveau des taxes, t'en payes quasiment pas. Fait qu'il y a plein de personnes qui en profitent pour faire d'évasion fiscale à Andorre et Andorre la Vieille. Que de bonnes raisons d'aller endormir la Vieille. Oui, entre autres. Et, en fait, une dernière question, parce que je vois que le temps file. Quelle a été la seule chanson francophone à avoir été numéro 1, Billboard? La seule chanson francophone. Écoute, c'est con, je dirais Jordi. Ah, non. OK, attends un peu. Je dirais... t'as pas fait le son, moins un. Ah, excuse-moi. Est-ce que ce serait une toune de... toi non plus. Rabbit de Céline Dion. Non, trop tard. On recommence. Quelle est la seule chanson francophone à avoir été numéro 1 au Billboard? Choix de réponse. OK. Ça plane pour moi de Plastic Bertrand. Je t'aime moi non plus de Brigitte Bardot et de Serge Gainsbourg ou Dominique de Sœur Sourire. OK, mais d'abord, j'ai Serge Gainsbourg. Peut-être Serge Gainsbourg. La première. Ça plane pour moi. Rabbit, ouais. Oui. Je sais pas, des fois, ouais. Vous parlez tous les deux. Vas-y, Mathieu. C'est qui le modérateur du quiz ici, là? Rabbit. Oui. La première, ça plane pour moi. Non! Non! Ben, deuxième, Serge Gainsbourg. Vous êtes même pas sur la troisième! C'est vrai? Oui. C'est quoi ça, Dominique? Vous connaissez pas Dominique? Je connais pas ça. Non, moi non plus. Dominique, c'est une toune. Ça a l'air mauvais en plus. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vieux. Ça sonne 1960, tout à fait. Ça a été, écrite par une religieuse française, Sœur Sourire, qui a écrit Dominique, qui a topé le numéro 1. Billboard, on peut même écouter un extrait, si vous voulez, sur Groove Shark, c'est disponible. Quand même, parce qu'on a tellement de temps de lousse. OK. T'as un peu, tu veux quoi? Juste un petit extrait. Oui, de façon, c'est Dominique de Sœur Sourire. Et elle, en fait, c'est une religieuse qui écrit ça pour son... pour l'organisme, en fait, pour l'organisation de sœurs dans laquelle elle faisait partie. Tout l'argent allait là. Sauf qu'à un moment donné, elle a décidé de défroquer, si je peux dire ça comme ça. Donc, elle a décidé, c'est ça, d'habiter avec sa blonde. Puis là, économiquement, ça n'allait plus bien. Et là, à un moment donné, elle s'est suicidée. Et là, quelques jours après son suicide, on lui annonce que finalement, elle est exemptée de paiement d'impôts et de taxes parce qu'elle était menacée par l'huissier vu qu'elle ne payait plus ses impôts. Yeah. C'est la chronique, c'est dark. Comment ouais, tu tues des chats, t'as une sœur qui se suicide. Ouais. On endort les vieilles. Et une musique affreuse qui joue. C'est le numéro 1 Billboard. À quelle année? Je pense que c'est en 1960. Il faudrait que je revérifie. Ça montre que Billboard est un gage de qualité. Hein? Je capote. Donc, David, tu nous présentes tes choix musicaux de ce matin. Ça te dit de faire ça comme genre oui, rapidement. Ben, en fait, je vais en présenter deux finalement. OK. Lesquels dans quel ordre? Je vais présenter Tu m'as manqué de Alain Bachon. Tu m'as manqué, ça veut dire je t'ai manqué, ça? Oui, je t'ai manqué, oui. C'est pas tu m'as manqué, mais je t'ai manqué parce que tu m'as manqué. Bref, c'est je. C'est quoi le titre de la pièce? Je t'ai manqué d'Alain Bachung. Et après ça, on va écouter Je t'aime Québec du groupe franco-ontarien Conflit Dramatique. On écoute les deux? Oui. Tout de suite. À Sablage Requis sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement routier pour. Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges cotés en bourse. T'es brutal, beauté en touche. Tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Tout est extrême, limite et cône glacée. Et idem les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué, pourquoi tu me disais? Si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait de main, qui serait l'adversaire, entre nous qui serait le plus malin, et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien. Pourquoi tu me fichais? Tout est brutal, beauté en touche. Tout à l'horizontale, nos envies, nos amours. Ferroviaire, y aurait le pied marin, si l'on sifflait les fonds de théière, ou si l'on ne sifflait plus, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin, et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien. Pourquoi tu me visais? Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Donne-moi des enfants, Québec. Père-mère, j'ai couché avec ton nounours doré. J't'aime Québec, j'aime ton père Québec. Je vais marcher sur ta loge, sur ta loge, sur ta loge. Cette fois, c'est sérieux. Je t'aime. J't'aime pantouf, patapouf, pif, paf, à l'envers, à l'entrée, les yeux dans ma terrine. J't'aime en crème de menthe, de crème fouettée, de sardine en sourdine. J't'aime Québec, patapouf, pif, paf, des forêts vierges, des serges et une pièce. Hey Québec, marie-moi Québec. J't'aime debout à l'autre sans arrêter, les yeux fermés. Des enfants au Québec, terre-mère, je vais coucher avec ton nounours doré. Je t'aime Québec, j'aime ton père Québec. Je vais marcher sur ta lune, cette fois c'est sérieux. Québec, je t'aime. Ta maison à l'envers, les vidanges pas sortis, je t'aime. Moses de mini loto, de mangeuse de pin. Angeline, à l'envers, à l'entrée, les yeux dans margarine. Je t'aime en sourdine, bec-moi Québec, mon légume transparent. Je te croquerai si fort que le ciel en fendre. Donne-moi des enfants, Québec, terre-mère, je vais coucher avec ton nounours doré. J'aime Québec, j'aime ton père Québec. Je vais marcher sur ta lune, cette fois c'est sérieux. Donne-moi des enfants Québec, terre-mère. Je vais coucher avec ton nounours doré. J'aime Québec, j'aime ton père Québec. Je vais marcher sur ta lune, cette fois c'est sérieux. Je vais marcher sur ta lune, j'ai sur ta lune. C'était Je t'aime Québec du groupe franco-ontarien Conflit Dramatique, précédé de Feu, Alain Bachong avec Je t'ai manqué. Oui, tout à fait. Là, on a l'air inculte de ne pas avoir connu Dominique sans sourire tantôt, mais Colin, je suis quasiment fier de ne pas la connaître. C'est vrai qu'il y a certaines œuvres qui vieillissent mal. Ouais, comme par exemple Mario Bros 2. Hey, non, Mario Bros 2, c'est un des meilleurs. Ah ouais, dans le top 10. T'es le seul que je connais qui me dit ça, parce qu'absolument tout le monde dit « Ah, Mario Bros 1, Mario Bros 1! » Mais c'est que les gens le trouvent difficile. Il faut que tu joues beaucoup. Ouais, c'est comme Windows Vista 7. Hey, toi, t'es vraiment un running gag sur Windows 8, toi, là. Windows... Edition. Ouais, je compte mes dodos avant que ça sorte. Windows Moron J'ai... Edition, yeah. Pathétique. Ouais. Appuie avec tes coudes sur les touches. Bon. Donc, David Ferron, on divague sur la technologie, nous, oui. Parce que c'est notre sujet préféré, David et moi, dans la vraie vie tous les jours. Mais on te retrouve avec La langue dans ton oreille mardi prochain à 8h30. Oui, et là, on va enfin diffuser la chronique. En fait, l'entrevue que j'ai... Simon Fitzbé! Oui, avec Simon Fitzbé. L'ensemblage Reiki, ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. On commence à le réintégrer tranquillement, pas vite, parce que non seulement il va y avoir ta chronique la semaine prochaine avec des informations périmées de 2 mois, mais quand même. Ouais. Ben non, c'est d'actualité quand même. Ça reste d'actualité. Ben oui. Donc, mardi prochain à 8h30. Mais après ça, on va enregistrer ces éditoriaux du Zone Campus. Ah ouais. Et on va les jouer après la sortie du journal pour essayer de quand même garder un petit peu de contenu exclusif au journal en premier. Vous voyez, c'est dur de se départir de Simon, c'est dur. Hey! D'ailleurs, le journal Zone Campus qui va être en kiosque ce matin. Oui, parfait. Je passe ça. Et on va en parler à l'émission de demain. Oui, exactement. D'habitude, on fait ça en début de semaine, mais on veut tellement être sur la nouvelle du nouveau pavillon qui avait, dans le fond, que la première pelletée de terre a eu lieu hier. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle dans le journal. Ça va faire la une du nouveau Zone Campus. Allez lire ça, là. Prenez-le. Oui, et on rappelle aux gens, premièrement, on va remercier David. Ben, ça m'a fait plaisir. Ouais, merci à vous, les gars. Merci beaucoup, David. Ça faisait longtemps. On s'ennuyait. La semaine prochaine, t'es là? Même la semaine relâche? Ben oui, si vous voulez que je sois là, je vais être là. Parfait. On a un peu annoncé ta chronique de Simon Fitzbé, donc t'as pas mal de choses d'être là. Ouais, c'est ça. Bon, okay, donc une drôle de réaction, mais bon. une fois que c'est dit par rapport à David, on peut dire aussi que le pavillon, vous le savez, le nouveau pavillon de la vie étudiante commence à être construit cette semaine. Et là, ça a commencé hier. Et là, on est dans un nouveau labyrinthe, donc vous allez devoir vous habituer. Et on veut vous tenir au courant, vous, la population étudiante, que si vous voulez entrer dans le Néré-Beau chemin, Faut passer par la chasse-galerie pour aller à la chasse-galerie au 10-12. C'est fou, son campus à GEQTR. Bureau de la sécurité. Sécurité et la chapelle et la galerie d'art R3. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça dans le pavillon. Tout à fait. Et d'ailleurs, jeudi, gros party, ça va être, je pense, un des vrais tests de la nouvelle circulation. Ouais. Là, c'est le party F1, donc je sais pas exactement comment ça va se dérouler. J'imagine que Jasmine demain va nous en glisser un mot. Exact. Gros party. En fait, je pense que c'est un des plus gros ici à l'UQTR. Hein? Avec les gens qui vont être sous, ça me surprendrait pas qu'ils passent par-dessus la clôture. Ben, elle est assez haute quand même. Et haute. C'est pas comme ça l'arrivait aux genoux. Mais tu sais, des fois, les gens, c'est un peu sous l'effet de l'alcool. Il peut se passer ben. Ou de la drogue. Ben non, pas de drogue. Faudrait pas que ça devienne Guantanamo non plus. Là, puis on essaie de se libérer. Ça ressemble à ça, pour vrai. Ouais. Guantanamo, écoutez. Good. Donc, on se retrouve demain pour une autre édition d'Assemblage Requis. Bye. Passez une très bonne journée. On doit quand même dire qu'on se quitte et qu'après ça, ce sera le dîner de con à 11h avec Denis Janvier. Écoutez ça. Connaître ensemble à 13h avec la périnatalité. 14h, les rediffusions des émissions que vous avez manquées. Le voyage insolite, album classique, l'examen final, électrotactile. Et ensuite, à 21h, de l'électronique trans avec Psythéar à 21h et le Transformer à 22h. Demain à l'émission, on aura Anne-Julie Durocher, sa chronique L'Index. Alors aussi Jasmine Raymond-Réville pour sa chronique UQTR et Maxime Bilodeau qui va nous parler de culture sportive dans sa chronique d'une foulée à l'autre et dans sa chronique de demain. François, si tu veux savoir un petit peu de quoi il va nous parler. Ouais. Il va nous parler d'une forme d'entraînement de plus en plus connue, soit l'entraînement par intervalle ou encore EPI. Traditionnellement pratiqué par l'élite sportive, c'est devenu dans les dernières années un véritable phénomène. La popularité du CrossFit en atteste et ça s'arrêtera pas là. On va voir bientôt l'EPI faire son entrée dans les centres d'entraînement pour faire tuer tous les gens. Très intéressant comme chronique. Et voilà, on se quitte. Bye, à demain. À demain. Oui, bye bye. On a fait tous nos messages, je pense. Ben oui. Au revoir, David. Au revoir. Bye bye. Tu fais du CrossFit sur le micro? Non, c'est pas ça. On t'entend plus. Voilà.